Je tourne à gauche. Je céderai le passage aux usagers venant en face. Réponse A. De droite. Réponse B. De gauche. Réponse C.